bug à tout calculer. On croit pouvoir édifier sans jamais abandonner. Mais toi tu vis sans jamais compter, sans jamais te retourner. Tu sèmes l'amour puis tu vis partout. Moi j'ai envie de rêver. On peut bien te raisonner, on peut bien te questionner. On croit pouvoir te changer sans jamais y renoncer. Mais toi tu vis sans jamais douter, sans jamais te lamenter. Tu prends l'amour qu'on veut bien, oui, te donner. C'est pas facile de s'aimer. On veut bien que tu étonnes, on veut bien que tu chantonnes. Toi tu vois bien qu'on t'espionne, tu vois bien qu'on t'emprisonne. Alors tu vis sans jamais pleurer, sans jamais t'apitoyer. Tu sens l'amour te guider dans tes pensées. C'est pas facile de rêver. Et toi tu vis sans jamais douter, sans jamais te protéger. Tu oses aimer sans arrière-pensée, yeah. Pas facile d'y arriver. L'argent amène le pouvoir, des mots pour toi dérisoires. Toi le pouvoir c'est d'aimer, d'aimer en toute liberté. Alors tu vis sans jamais maudire, sans jamais un mot à dire. Pour toi aimer c'est la liberté, yeah, yeah. Et c'est facile d'en rêver. On croit pouvoir tout changer, la liberté c'est d'aimer. On croit pouvoir crucifier, la liberté de donner. On croit pouvoir tout changer, c'est à nous d'en décider.